Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode 54 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Avec un gros dossier, donc tu vas nous parler de quoi Mathieu aujourd'hui? Alors un dossier, un thème que nous avaient demandé nos auditeurs à plusieurs reprises, le langage chez l'humain. Alors effectivement un gros dossier qui va être divisé en deux volets. Donc cette semaine, dans cette émission, on va faire la première partie et la semaine prochaine, il y aura la deuxième partie. Ok, excellent. Alors on va tout de suite commencer. Ça On va est tout ouïe. pour toi? Alors bon, évidemment, traiter du langage chez l'humain, c'est un vaste chantier, car on se trouve au carrefour de plusieurs disciplines. On a les sciences sociales, la biologie, la neuroscience, l'anthropologie, la communication, toutes sortes de formes culturelles. Alors voilà, moi, quand j'ai fait ce dossier, je suis parti un peu dans toutes les directions, ce qui m'a amené à faire un gros dossier. Et bon, bah, aujourd'hui, on va tenter d'aborder un peu sous différents angles plusieurs aspects du langage chez l'humain. Ok, ça semble prometteur, je me réjouis d'entendre tout ça. Alors on va commencer par l'histoire des langues. C'est l'Homo habilis, il y a plus de 2 millions d'années, qui pourrait être le plus ancien préhumain à avoir employé un langage articulé. On suppose aussi la préexistence d'une proto-langue chantée chez l'homme de Néandertal, qui au niveau de connaissance actuelle ne possédait pas de syntaxe. Et l'apparition, il y a 200 000 ans, de l'Homo sapiens a été accompagné de la conjonction de nombreux facteurs pour expliquer l'apparition du langage chez l'homme. Alors ces nombreux facteurs, on peut énumérer par exemple la maîtrise du feu, il y a environ 500 000 ans avant notre ère, qui a permis d'alimenter un cerveau de taille croissante, ce qui a aussi engendré l'augmentation de la masse de l'encéphale. On a vu aussi le redressement du pharynx qui a permis la vocalisation plus poussée de la parole. Et il y a une mutation d'un gène, on en reparlera un petit peu plus tard, d'un gène dit de la parole, peut-être un petit peu abusivement, mais il y a quand même un gène qui a un rôle dans la parole. Un seul gène. Ouais. D'accord, ouais, je sens que ça doit être un petit peu controversé dans les populations de spécialistes. Et puis, je me demandais juste, en fait, tu as dit que la maîtrise du feu a permis d'alimenter un cerveau de taille croissante. En fait, c'est parce qu'on ne devait plus passer la plupart de notre temps à digérer, c'est ça? Il y a un rapport comme ça entre la taille du cerveau et la maîtrise du feu? Comment ça à digérer? Bah, parce que finalement, le feu, enfin la cuisson des aliments, ça permet de les prédigérer. En gros, on doit mettre beaucoup moins d'énergie dans la digestion. On obtient beaucoup plus d'énergie plus rapidement en cuisant les aliments, ce qui nous a permis, j'imagine, enfin je sais pas, hein, Ouais, non, non, non, t'as j'ai fait raison, de ma petite théorie. C'est ça le lien en fait entre la taille du cerveau et la maîtrise du feu. Ouais, j'avais pas pensé directement à la digestion, j'avais plutôt fait le lien avec l'alimentation, enfin que la maîtrise du feu a permis finalement une meilleure alimentation, ce qui a D'accord. permis une croissance du cerveau. Ok. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses, hein, comme tu l'as dit, sur le langage chez l'humain. Je savais pas qu'il y avait une controverse autour de la mutation d'un ou plusieurs gènes. Ça, je l'avais pas vu. Mais on retrouvera dans ce dossier quelques autres controverses aussi. D'accord. Donc, les recherches récentes en paléolinguistique ont identifié un fonds de 27 mots communs à la racine de toutes les langues terrestres écrites au début du 21e siècle. Ce qui renforce le scénario Out of Africa. C'est-à-dire un scénario de monogénèse, selon lequel l'ancêtre de nos langues serait sorti d'Afrique. Et en effet, si des sources et des origines distinctes avaient donné naissance à nos différentes langues actuelles, elles n'auraient pas eu de raison d'adopter toutes par hasard la même proto-langue de départ basée sur ces 27 mots. Alors, le langage a pris depuis environ 7 000 ans une forme écrite dans un certain nombre de langues qui se sont alors imposées comme les langues dominantes. Et une étude comparée des langues nous enseigne par exemple que bien que d'apparence très proches par l'écriture et le lexique, deux langues comme l'arabe et le persan n'ont aucun lien de parenté. D'ailleurs, le persan appartient à la même grande famille que le français ou encore de forme plus lointaine, l'islandais. Et Ah pas ouais. Ouais, et parce que parmi les principales familles de langues, il y a les familles de langues indo-européennes, la famille des langues afro-asiatiques, la famille sino-tibétaine et la famille des langues nigéro-congolaises. Ou encore, on parle aussi de la famille des langues austronésiennes, donc de la partie D'accord. d'Océanie et d'Australie. OK. Alors, on va parler un petit peu de la diversité linguistique. Y a un article qui a été publié sur le blog Science Étonnante. Je ne sais pas si tu connais ce blog. Ouais. C'est vraiment un blog que je recommande à tous nos auditeurs, un excellent blog de vulgarisation francophone scientifique. Et bon, c'est un blog qui propose toujours d'excellents articles sur des thèmes aussi originaux que surprenants, et je le recommande vraiment à tout le monde. Et dans ce blog, je suis tombé sur un article qui nous en apprend un peu plus sur le processus qui a engendré la diversité linguistique. Alors, on sait que l'Homo sapiens a émigré d'Afrique il y a environ 60 000 ans. Et parmi les nombreux éléments à l'appui de cette thèse, il y a le fait que la diversité génétique des populations décroît à mesure que l'on s'éloigne d'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur en série. On a montré aussi qu'il en va de même pour la diversité des langues parlées dans le monde. Et les langues africaines sont ainsi phonétiquement bien plus riches que les langues européennes. Et l'effet fondateur est un phénomène qui explique pourquoi les migrations géographiques s'accompagnent d'une perte de diversité génétique. Quand une migration se produit à partir d'une population, elle est souvent le fait d'un petit nombre de pionniers qui emportent avec eux seulement une faible fraction de la diversité génétique de leur population d'origine. Et une fois établis, ils se reproduisent entre eux et la nouvelle population qu'ils vont ainsi engendrer sera moins variée génétiquement que celle de départ. Et lorsque des migrations ont lieu les unes à la suite des autres successivement, on parle d'effet fondateur en série. Et dans ce cas, la diversité génétique des populations décroît au fur et à mesure des migrations successives. Et ce scénario amène donc une perte de diversité génétique des populations actuelles à mesure que l'on s'éloigne de l'Afrique. Et cette décroissance de la diversité expliquerait aussi l'incompatibilité du scénario qui autoriserait l'apparition d'Homo sapiens à un autre endroit que l'Afrique. D'accord. Et on peut faire une analyse similaire à celle portée sur la diversité génétique, sur la diversité phonémique des langages. Alors pour ça, on a utilisé le World Atlas of Language Structures, c'est une sorte d'énorme base de données qui répertorie toutes les langues, tout le lexique, la structure des langues. Et on a vu que le nombre de phonèmes différents est un indicateur de la diversité du langage. On a analysé 504 langues de ce World Atlas of Language Structure et on a pu montrer que la diversité phonémique des langages décroît quand on s'éloigne d'Afrique. Donc, quand je parle de diversité phonémique, un phonème, pour rappel, correspond à un signe de l'alphabet. Donc, il y a les voyelles et les consonnes. Chaque voyelle et chaque consonne correspond à un phonème. Et dans certains cas, la combinaison, par exemple, de deux consonnes peut aussi correspondre à un nouveau son, donc à un nouveau phonème. Par exemple, C et H en français, on peut Ouais. prononcer ch. Donc c'est un phonème, d'accord? D'accord. OK. Donc on a analysé ces 504 langues et on a pu montrer que la diversité phonémique des langues décroît quand on s'éloigne d'Afrique. Et la corrélation avec la diversité du génome est bien là. Mais bon, elle est un peu moins évidente aussi, car d'autres facteurs sont aussi responsables de la diversité phonémique d'un langage, comme la taille de la population qui pratiquent cette langue. Et une manière intéressante de visualiser cet effet, c'est de regarder ces types de phonèmes qu'on appelle les tons. Dans certaines langues, dites langues à ton, la hauteur au sens musical du terme, aigu ou grave, d'un son, peut influer sur le sens qu'on donne au mot. Alors, c'est difficile à imaginer pour nous autres francophones, puisque le français n'est pas une langue à ton. Mais beaucoup de langues extra-européennes sont tonales. Et bon, vous voyez dans le dossier, j'ai mis une carte géographique mondiale. Et on voit dans cette carte, on constate qu'une plus grande diversité des langues tonales se trouve en Afrique. Ce qui renforce donc le scénario que l'ancêtre de nos langues est sorti d'Afrique. Ouais, c'est marrant, tu vois, tu dis langue tonale, moi j'aurais associé ça à l'Asie d'emblée. En fait, donc on trouve des langues tonales en Afrique, en Asie, notamment le chinois, mais la plupart des langues tonales se trouvent en Afrique. C'est ça que tu Ouais. dis. Alors il y a une plus grosse concentration de diversité de langues tonales en Afrique. Mais c'est vrai qu'en Asie, si on regarde la carte, il y a aussi une bonne diversité. Mais si on regarde par exemple l'Europe ou le nord de l'Asie, toute la Russie, tout ça, on voit que la diversité est beaucoup plus faible. D'accord, s'il y en a quand même en Europe, des langues tonales. Ouf, tu me poses une colle, je ne sais pas alors. Ouais, je suis en train de regarder la carte que tu as mise là. Donc, ah ouais, il y a des langues tonales complexes qui sont rouges. Alors là, effectivement, il y en a plein l'Asie et plein l'Afrique. Et puis, il y a des langues tonales simples. Et puis là, il y en a un petit Ouais, peu. il Alors, y en a une ou malheureusement, deux. Ouais, il y a en une fait. légende juste sur l'Europe. Alors, on voit qu'en haut à droite, ça doit être la Pologne. Ouais, vers la Donc, il y aurait Pologne ou un. la Russie. Ou ouais. Frontière un peu Pologne-Russie, on dirait. Ouais, ou Mais c'est pas la Ukraine, Russie, je parce que sais toute la plus derrière. Russie, ils mettent que c'est pas des langues tonales, donc. D'accord. Ouais. Ouais, intéressant. Le japonais, par exemple, ce serait une langue tonale simple. Ouais. Effectivement. Alors qu'en Chine, c'est des langues tonales Et on complexes, voit mais qu'en pas partout. Amérique centrale, il y a aussi une bonne diversité tonale. Ouais. Mais c'est quand Excellent. même en Afrique qu'on voit la plus grande diversité tonale. Mmh. Alors, voilà pour la diversité linguistique. Donc, ça suit un peu la même idée que l'homme est venu d'Afrique. Donc, les langues originelles seraient aussi venues d'Afrique. D'accord. Maintenant, on va parler de la langue, du langage comme technologie sociale. Donc, ça peut paraître un peu barbare comme ça. Mais j'ai vu une conférence TED, donc ces fameuses conférences de 15-20 minutes où des experts viennent présenter un sujet. Je crois que bon, tout le monde connaît un peu ces conférences TED, je crois. Et alors, dans l'une d'entre elles, il y a un biologiste qui s'appelle Marc Pajol qui propose une théorie pour expliquer comment est apparu le langage chez les hommes et comment il a évolué et comment il s'est complexifié au fil du temps. Alors, Marc Pagel, il suggère que le langage est une pièce de technologie sociale qui a permis aux premiers hommes vivants en tribu d'accéder à un nouvel outil très puissant qui est la coopération. Alors, il y a 200 000 ans avant notre ère, vivait le Néandertal qui était un artisan de la pierre. Et l'homme de Néandertal travaillait et utilisait la pierre pour toutes sortes de fonctions, donc pour casser des objets, racler, tailler, couper. Et les hommes de cette époque apprenaient à fabriquer toutes sortes d'outils à base de pierre, simplement en observant et en reproduisant les techniques appliquées par leurs congénères et leurs pères. Et un apprentissage réciproque s'est mis en place, et cette époque marque le début de l'apprentissage basé sur des relations sociales de partage et de coopération. C'est ce qu'on appelle en anglais le social learning, ou l'apprentissage social. Et au fil du temps, les populations se sont adaptées culturellement à cette forme d'apprentissage social basée sur l'imitation et la copie. Et un problème est survenu. C'est le problème qu'on appelle du vol visuel, ou en anglais du visual theft. Alors, c'est un problème qui s'est posé, parce que en regardant comment travaillent les autres, on peut voler leurs idées. Et donc, le social learning a induit en quelque sorte cette problématique de vol visuel. Et pour résoudre ce dilemme entre le progrès qu'apporte l'apprentissage social et le risque que suppose le vol visuel, deux options se sont posées à nos ancêtres. Alors, la première option, c'est de revenir à des petits groupes familiaux, à de petites tribus ou communautés dans lesquelles on va préserver une pratique sans la divulguer à l'extérieur afin d'en faire bénéficier ceux du groupe. Mais se replier sur soi-même pour éviter le vol visuel, c'est en quelque sorte revivre comme nos lointains ancêtres, et ça ne nous aurait pas permis d'évoluer tel qu'on l'a fait. On serait toujours en train de vivre comme les Néandertals. Et dans les petits groupes, il y a aussi moins d'idées, moins d'innovations que dans les grands groupes. Et les petits groupes sont aussi plus sensibles aux accidents avec le risque qu'une pratique puisse disparaître. Alors ça, c'est pour la première option, c'était de revenir à des petits groupes. Et la deuxième option, c'est de développer un système de communication afin de pouvoir mieux partager nos idées et ainsi mieux coopérer. Et un système de communication qui permettrait que cette énorme ferme de connaissances accumulées depuis la nuit des temps devienne accessible à tous. Et c'est cette option que l'humanité a choisie et qui a donné naissance au langage. Alors, le langage, c'est, selon Marc Pajol, une pièce de la technologie sociale qui améliore les possibilités de coopération et qui permet de prévenir le vol visuel. Parce que le langage permet d'établir un accord ou une négociation afin de protéger les intérêts de l'un ou de l'autre. Et le langage permet aussi de mieux coordonner les activités. Donc le langage a amené une explosion de créativité et prospérité. Et l'apprentissage social accompagné du langage nous a permis de transformer l'environnement pour qu'il satisfasse à nos besoins. Cependant, on constate qu'il existe tout de même entre 7 et 8 000 langues sur la Terre. Alors on pourrait penser que c'est naturel que la diversité des langages corresponde à la divergence des populations sur Terre. C'est un peu ce dont on a parlé avant avec la diversité linguistique. Mais bon, on voit aussi que la plus grande diversité de langages sur Terre provient de populations des fois très concentrées. Par exemple, rien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée possède près de 1000 langues différentes. Et Marc Pagel, alors, il soutient cette théorie du langage comme pièce de technologie, donc comme j'ai dit, comme pièce de technologie sociale, pardon. Mais il nous avertit que selon lui, plusieurs langues sont une barrière à l'échange d'idées et de coopération. Et il nous dit, alors on verra, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais pour conserver la prospérité du monde moderne, il faut se poser la question un peu radicale de la standardisation linguistique. C'est l'idée qui dirait que notre destinée est celle d'un seul monde avec une seule langue. Alors il pose un peu cette question à la fin de sa conférence. Alors moi, je ne sais pas si lui-même est favorable à ce que tout le monde parle, par exemple, espéranto. Mais bon, à mon avis, quand même, la diversité et le mestissage au sens général du terme, et aussi linguistique, c'est évidemment plus prospère et plus riche que l'uniformisation. Bah, j'en profite aussi d'ailleurs pour rappeler une quote que j'avais citée de Walter Lippmann dans l'épisode 21 de Podcast Science, qui disait que quand tous les hommes pensent pareil, plus personne ne pense beaucoup. On peut aussi un peu appliquer, un peu appliquer ça au langage. Alors, bon, voilà pour le langage comme technologie sociale. D'accord. Ouais, depuis que tu as évoqué tout ça, je me rappelle que je l'avais vu cette vidéo, mais il y avait des tas de choses qui m'avaient pas plu. Ouais, moi, je la trouve assez controversée, hein, cette vidéo. Je trouve intéressant son approche, le langage pour pouvoir éviter ce vol visuel à partir de l'apprentissage social. Mais la conclusion, comme je l'ai dit, je la trouve un peu limite, quoi. Et puis bon, moi, je me rappelle plus en détail maintenant, ça fait longtemps que je l'avais vu, mais c'était au niveau de certaines valeurs aussi qui véhiculaient dans ces idées que j'avais un peu de peine. Mais enfin, j'irai la revoir. T'as mis le lien dans le Ouais, dossier. il y a la vidéo qui est incrustée. Carrément la vidéo, d'accord, nickel, formidable. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la relation du cerveau et du langage. Excellent. Alors, dans une des émissions sur les épaules de Darwin, donc un fameux podcast vraiment excellent, je crois qu'on a déjà parlé à quelques occasions sur Podcast Science, Jean-Claude Ameisen nous donne quelques pistes sur la relation entre la structure du cerveau et le langage. On y apprend qu'en 1861, Paul Broca identifia une aire cérébrale dans l'hémisphère gauche du cerveau indispensable au langage parlé. Et une lésion dans cette aire, appelée aire de Broca, fait perdre la capacité de parler. Et quelques années plus tard, Carl Wernicke identifie, lui, dans le même hémisphère gauche, une autre aire indispensable, elle, à la compréhension du langage oral. Et c'est l'aire qu'on appelle de Wernicke. Et une lésion dans cette aire de Wernicke fait perdre la capacité de comprendre le langage parlé. D'accord. Donc il y a une aire pour parler et puis une autre pour comprendre le langage parlé. Oui, et il y en a une D'accord. troisième pour comprendre la lecture, pour interpréter la lecture. En 1887, le neurologue français Jules Dejerine, lui, identifie, toujours dans le même hémisphère gauche, une aire indispensable à la lecture des lettres et des mots. Et une lésion de cette aire fait perdre la capacité de lire. Donc une personne ayant cette lésion peut continuer de parler, de comprendre le langage oral, peut même continuer à être capable d'écrire correctement, mais ne peut plus lire, y compris ce qu'elle écrit elle-même. C'est incroyable, hein? C'est fou. Et un siècle après les découvertes de Broca, Wernicke et Dejerine, l'imagerie fonctionnelle cérébrale, qui permet l'étude en temps réel des activités du cerveau, confirmera l'activation de ces différentes régions de l'hémisphère gauche induites par la prononciation d'un mot, ou l'écoute d'un mot, ou la lecture d'un mot. Néanmoins, c'est là où il y a certaines controverses qui apparaissent. En 1869, donc quelques années après la découverte de Broca, il y a eu des débats concernant l'interprétation du rôle précis de ces aires. Parce que le neurologue anglais John Jackson dira à Broca que localiser une lésion qui détruit la parole n'est pas la même chose que localiser la parole dans le cerveau. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ça se tient, j'imagine. Et 20 ans plus tard, Freud aussi soulignera que ces aires sont l'un des éléments indispensables à un vaste réseau cérébral impliqué dans la parole et la lecture. Donc, on a des aires cérébrales qui sont impliquées dans le langage, mais il n'y a pas que ça non plus. On pressent un peu, tu pressens un peu l'histoire, tu vois. Et bon, il semblerait aussi, alors là je reviens sur le gène, il semblerait aussi qu'une mutation génétique de plusieurs gènes dominants, dont le gène FOXP2, ait joué un rôle dans le développement de la capacité cognitive liée à la parole. Ce gène FOXP2 prend des formes variables selon les espèces. Et dans la forme humaine, il aurait donné la capacité pour l'homme de passer des mots à la syntaxe. On sait que la substitution d'un seul des 715 acides aminés du gène FOXP2 entraîne de sérieuses pathologies affectant la phonation et plus généralement la forme du larynx. Donc la mutation de ce gène FOXP2 intervenue chez l'Homo sapiens il y a 100 à 200 000 ans a donc certainement dû être déterminante dans l'apparition de la parole chez l'homme. D'accord, donc ça c'est le fameux gène dont tu parlais Ouais. et qui serait derrière les capacités phonatoires. Alors, d'une part, il serait responsable du développement du larynx chez l'homme, mais il serait Ouais. aussi à l'origine de la maturation de l'aire de Broca et de l'aire de Wernicke dans le cerveau. D'accord. Bah ça en fait des choses pour un seul gène. Alors, vu qu'on a parlé un peu de ces différentes aires dans le cerveau, on va parler d'un cas particulier qui est l'aphasie. Donc, l'aphasie, qu'on appelle aussi mutisme, c'est en fait la perte de la capacité de parler. Et on parle d'aphasie quand un individu a perdu totalement ou partiellement la capacité de communiquer par le langage, c'est-à-dire de parler et ou de comprendre ce qu'on lui dit. Et la plupart des personnes aphasiques n'ont pas perdu en fait complètement l'usage de la parole. L'aphasie est plus précisément un trouble du langage qui peut présenter des différences considérables selon les cas. Certains patients ne montrent que des incertitudes légères pour trouver leurs mots, par exemple, alors que d'autres ont presque totalement perdu la faculté de s'exprimer par le langage, de comprendre ce qu'on leur dit, de lire et ou d'écrire, alors que d'autres facultés comme la mémoire ou l'orientation sont préservées. Et il existe plusieurs sortes d'aphasie, dans lesquelles ces diverses facultés peuvent être différemment diminuées. Les orthophonistes, donc les spécialistes du langage, font une différence entre l'articulation, la parole et le langage lui-même. Si un individu éprouve des difficultés pour prononcer des sons, quelle que soit leur place dans le mot, on dira qu'il a un trouble de l'articulation. S'il éprouve des difficultés à combiner les sons pour faire des mots, donc ajout, substitution, altération, omission des sons en fonction de leur place dans le mot, il s'agira d'un trouble de la parole. S'il éprouve des difficultés à choisir ses mots, à les combiner pour faire des phrases ou même à comprendre leur sens, on dira plutôt qu'il a un problème de langage. Donc l'aphasie est un trouble aussi du langage acquis, c'est-à-dire qu'elle survient chez un individu qui avait auparavant un langage normal et se distingue donc des problèmes pouvant apparaître lors du développement du langage chez l'enfant, comme par exemple une dyslexie ou un bégaiement. Donc on a vu que l'hémisphère gauche, pour les droitiers, est responsable du langage. Sauf pour certaines langues orientales qui ont un autre mode de fonctionnement, comme le chinois et le japonais. Et ceci, c'est dû au système de représentation graphique de la langue qui s'appuie plus dans ces langues orientales sur une idée, ce qu'on appelle un idéogramme, que sur un fonctionnement de type signe égal à un phonème, comme dans l'alphabet qu'on connaît. Plus spécifiquement, dans environ 90-95%, donc 90-95% des cas de troubles du langage post-lésionnel, donc d'aphasie, le dommage est localisé dans l'hémisphère cérébral gauche. Et les atteintes de l'hémisphère droite sont responsables de 5 à 10% restants des cas d'aphasie. Et ceux qui utilisent le langage gestuel peuvent aussi présenter, alors ça c'est assez surprenant, une aphasie à la suite d'une atteinte cérébrale. Il existe le cas d'un jeune homme qui avait été élevé par des parents sourds-muets et qui était devenu aphasique à la suite d'un accident. Donc avant l'accident, il communiquait aussi bien par le langage par signe que par le langage parlé. Et après l'accident, il éprouvait des troubles tout aussi graves dans son langage parlé que dans son langage gestuel. Enfin, ce qui paraît logique en même temps, non? Ben, logique dans le sens, si tu catégorises mentalement un peu le langage, parce que. Mais si une aire est responsable de la parole et qu'il y a une lésion de cette aire, pourquoi elle affecterait le gestuel? D'accord, parce que donc le langage écrit en l'occurrence n'était pas affecté, par exemple. Alors ça, je ne sais pas. D'accord. Ok. Il y a aussi, alors on peut parler aussi des cas des individus aphasiques bilingues, qui présentent généralement des atteintes dans toutes les langues qu'ils parlent aussi. D'ailleurs, on peut se poser la question si des lésions cérébrales produisent-elles des dommages similaires dans toutes les langues? Des langues très différentes utilisent-elles les mêmes systèmes neuronaux? Et dans la forme la plus courante d'aphasie, présentée par presque la moitié des cas des sujets bilingues, les deux langues sont affectées de façon analogue. Et la récupération est la même dans les deux cas. Alors bon, on est dans 50%, ce qui n'est pas non plus une grosse majorité, hein. Mais dans 50% des cas, les deux langues sont affectées de la même manière. D'accord. Okay. Mais ça va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, ouais, qui voudraient qu'on oublie plus difficilement sa langue maternelle que les langues apprises par la suite. Donc finalement, ce ne serait pas tellement le cas. S'il y a un problème d'aphasie, ça concerne toutes les langues, quoi. Dans 50% des cas, hein, c'est pas non plus majoritaire. Ok, d'accord. Alors là, on arrive à la dernière partie de ce premier volet. On va parler de l'influence du langage sur la perception des couleurs. D'ailleurs, c'est nouveau à partir d'une vidéo je crois que tu avais partagée, toi, que j'ai vue, je ne sais plus où tu l'avais partagée. Je pense que tu as dû la voir. Alors bon, on va voir de quoi il s'agit. C'est un documentaire de la BBC. C'est assez incroyable, qui nous explique comment la perception des couleurs est influencée par le langage utilisé pour définir les couleurs. Ah ouais, je me rappelle, c'est incroyable ce truc, c'est complètement fou, ouais. Et on y apprend que des chercheurs ont comparé notre vocabulaire habituel utilisé pour catégoriser les couleurs, donc rouge, bleu, vert, jaune, etc., avec le vocabulaire employé par une tribu africaine, Imba, qui vit au nord de la Namibie. Et les Imba classent les couleurs d'une autre façon que nous. Alors eux, ils utilisent par exemple le mot zouzou pour les couleurs foncées correspondant au rouge, vert, bleu et pourpre, donc le même mot pour ces différentes couleurs. Le mot vapa pour le blanc et certains types de jaune pâle se rapprochant du blanc. Le mot borou pour certaines teintes de vert et de bleu. Ou encore le mot dumbu pour d'autres teintes de vert, rouge et brun. Et donc on voit que linguistiquement, ils réunissent sous un même mot des couleurs pour lesquelles nous, on a des mots différents, et ils différencient verbalement en plusieurs couleurs une couleur qui pour nous est unique. Et les Himba décrivent les couleurs, donc les Himba décrivent les couleurs différemment, mais la question qu'on peut se poser, les perçoivent-ils de la même manière que nous? Donc on a réalisé une expérience dans laquelle on présente à un sujet de la tribu Himba plusieurs carrés colorés. Alors tous sont de la même couleur sauf un. Et on demande au sujet de déterminer quel est celui de couleur différente. Alors si on présente 12 carrés colorés en vert, dont un seul d'entre eux est un vert teinté un petit peu différemment des 11 autres, pour le sujet Himba, c'est très facile de déterminer lequel est différent des autres car ils utilisent des mots différents pour ces deux variantes de vert. Alors que pour nous, c'est beaucoup plus difficile car la différence de teinte dans le vert est très légère. Ouais, d'ailleurs, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Moi, je suis incapable de voir la différence en l'occurrence. Et pour eux, effectivement, c'était évident, c'était Ouais. instantané, ils spottaient tout de suite le carré différent. Ouais. Et si par contre, on présente une série de carrés colorés en vert dont seulement l'un d'entre eux est bleu, de telle façon que le vert et le bleu utilisés soient définis par le même mot dans la langue des Himba, c'est très difficile pour eux de détecter lequel des carrés est bleu parmi les verts. Ouais. Alors que pour nous, qui utilisons des mots différents pour le vert et le bleu, c'est très facile de trouver l'intrus. Ouais, c'est instantané, tu vois tout de suite. Tu dois même pas te poser la question. Donc on peut conclure, suite à cette expérience, que la perception des couleurs dans notre cerveau peut être modulée par notre langage, et que les Himba perçoivent donc le monde d'une manière différente de la nôtre. Ouais. Alors, je crois qu'il y a, on en parlera peut-être un petit peu la semaine prochaine, je crois qu'il y a aussi une controverse sur l'idée de dire que le vocabulaire utilisé change la perception qu'on peut avoir des choses. Je crois qu'il y a pas mal de polémiques là autour aussi. Mais en tout cas, dans ce cas de la tribune basse, ça semble assez évident, quoi. En tout cas, au niveau des couleurs, ils les interprètent différemment. Et donc, ils voient une réalité un peu différente de la nôtre. Alors, voilà pour le volet d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va aborder un peu plus précisément ce qu'on appelle la linguistique et la psycholinguistique, donc les recherches qui sont faites un peu théoriques sur le langage. On va parler de quelques courants qui ont été élaborés, de certains spécialistes comme Noam Chomsky, qui ont beaucoup travaillé sur la linguistique. On va essayer de voir dans quelle mesure le langage est une faculté innée ou acquise. Et on va parler de l'acquisition du langage chez l'enfant, comment ça se passe. Et on abordera quelques thèmes un peu plus spécifiques, comme aussi le langage chez l'animal. Est-ce qu'on peut parler de langage ou pas chez les animaux? Et quelques points un peu en suspens qui sont justement encore un peu controversés ou pas vraiment résolus en termes linguistiques. Excellent, bah, joli programme. Alors, Magnifique. ben voilà. Ok, excellent. Bah top. Ça change un peu des sujets que tu fais d'habitude, mais alors Ouais, c'est effectivement. tout aussi passionnant. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est marrant, parce que c'est vraiment, tu pars dans tous les sens, hein. Tu commences alors évidemment, tu commences par aller sur Wikipédia pour regarder, puis ça te redirige sur 50 000 autres sites. Tu vas sur ces sites, ça te redirige sur d'autres concepts et tout ça, et tu pars dans tous les sens, hein. Tu m'étonnes. Enfin, déjà là, t'as abordé pas mal de volets, quoi. Le volet social, le volet Diversité linguistique. le volet neurologique. C'est super intéressant. Je me réjouis vraiment de découvrir la suite. Top. La semaine va me paraître longue là. Ok, bah voilà Magnifique. pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, on avait quelques petits commentaires encore à faire, retour sur les émissions précédentes. Alors d'abord, on a des nouvelles de l'iTunes Store. On se demandait, tu te rappelles, je sais plus si c'était la semaine dernière, je crois que c'était il y a 15 jours Ouais, je crois déjà. que c'était il y a 15 jours. Ouais, nous on voit juste les deux commentaires de l'iTunes Store suisse. En fait, Marco a eu la gentillesse de regarder en détail, et puis Georges Mackie aussi. Donc on a 11 commentaires sur l'iTunes Store français. On a reçu 20 notes avec une note moyenne, attention, roulement de tambour, de 5 sur 5. De Oh, merveilleux. magnifique. Bah, c'est un bel encouragement. Ça Ouais. nous incite à continuer. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Et puis, sinon, sur notre fameux débat sur la marche du progrès, tout d'abord, je crois que JP Collin, j'ai dû l'appeler Jean-Pierre Collin dans la précipitation la semaine dernière, j'en suis tout à fait navré. C'est Jean-Philippe Collin, évidemment. Et puis, on a un nouveau message d'un poditeur. Alors, je ne sais pas du tout comment se lit son pseudo. Tu sais, toi, DJ Sean, DJ peut-être? Sean, Ouais, ouais. on va dire que c'est DJ Sean. Qui nous dit. En introduction, je dois avouer que les deux argumentations sont pertinentes, mais je penche du côté de Mathieu. Hein, pour une fois. Mon avis sur la question est le suivant. La marche du progrès ne représente qu'une partie de la lignée de l'homme, rien avant le singe et rien bien sûr après. Elle est tronquée, certes, mais il ne s'agit ni plus ni moins que d'une photo dans un panorama gigantesque, une brindille dans le buisson du vivant. Diriez-vous qu'une photo du jet d'eau de Genève vous dérange car elle ne représente pas la réalité? En effet, où se trouve la rade sur la photo et le reste du lac Léman, de la Suisse, etc. Il est évident que réduire l'évolution à cette image est grotesque, et peut-être même que parfois celle-ci fait du tort à la science, mais j'y vois malgré tout un avantage. Elle diffuse dans la société l'idée que l'homme n'est pas arrivé comme ça, et permet donc de lutter contre les théories anti-darwiniennes, car elles représentent quand même une évolution. Pour moi, le seul défaut de cette image est son nom, la marche du progrès. Si l'on s'en réfère à Wikipédia, progrès veut dire Alors, le terme de progrès vient du latin progressus qui renvoie à l'action d'avancer. Ainsi, le progrès désigne un passage à un degré plus important, à un état meilleur. En effet, le mot progrès me semble inapproprié, car la théorie de Darwin ne qualifie pas l'évolution comme bonne ou mauvaise. J'en termine en vous remerciant pour ces podcasts et vous souhaite une bonne continuation dans cette aventure. Ouais, ben on Voilà. le remercie aussi également pour cette apportation. Je suis Ouais. assez d'accord avec lui, peut-être toi un peu moins, mais. Bon, sans doute, sans doute. Non, non, écoute, je trouve sa position très nuancée. Moi, j'ai toujours le même problème, hein, c'est qu'on associe cette image à l'évolution, alors qu'elle ne devrait pas être associée à l'évolution, puis lui est très clair également là-dessus. Ouais, j'aime bien cette notion de fenêtre sur une partie du paysage, une partie du panorama. C'est vrai que c'est ça. Enfin, je ne vais pas recommencer ma Non, on diatribe, va mais pas repartir sur voilà. le Le problème, c'est que c'est pas perçu comme ça par tout le monde. Voilà, débat. le problème. Mais enfin bref, si vous avez encore des contributions, chers auditeurs, à nous faire sur cette marche du progrès, ben on est ouvert. Quelles que soient les positions, ça nous intéresse. N'hésitez pas, vous savez comment nous contacter, donc soit par Facebook, c'est facebook.com/podcastscience, soit par Twitter, twitter.com/podcastscience, à chaque fois tout en un mot, tout collé, science au singulier, à travers le site podcastscience.fm, il y a un formulaire de contact, vous pouvez nous écrire par email aussi, c'est podcastscience@gmail.com. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de nous contacter? Non, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, je crois. Ok. On a, t'as dit Facebook? Ouais. Ouais, j'ai dit Facebook, ouais, j'ai commencé par Facebook. On ne peut pas nous contacter par Google Plus encore, parce qu'il n'y a pas de page, il n'y a pas de page Podcast Science. J'espère que ça viendra bientôt, ces pages. Mais bon, évidemment, nous, on nous trouve les deux sur Facebook, sur Google Plus. Vous pouvez nous contacter par là aussi. Voilà. Ben, en fait, je crois qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on avait à dire. Il nous reste que le moment tant attendu, le moment magique de ta quote. T'es toujours dans une exagération. Ah, on aime ta côte. Mais écoute, je vais te décevoir. J'ai pas de côte pour cette semaine. Oh non, non, tu peux pas nous faire ça. Non, mais j'ai pas de côte parce que, en fait, j'ai une très belle côte sur. Parce qu'en fait, j'essaie toujours de faire des côtes un peu en relation avec le dossier ou la thématique de l'émission. Et j'ai une très belle côte sur en relation avec le thème du langage chez l'humain, mais je vais la garder pour la semaine prochaine pour conclure le deuxième volet du dossier. Et bah, c'est une côte que je trouve vraiment très poétique, que j'aime beaucoup. Alors je la garde pour la semaine prochaine. Et du coup, je me suis dit bon, cette semaine, je vais regarder un peu si j'en trouve une autre pour cette semaine. Et puis bah, j'ai rien trouvé qui vraiment qui m'a convaincu pour mettre un peu en relation avec le dossier. Donc j'ai dit bon, au lieu de mettre une quote un peu gratuitement comme ça, sans lien direct avec le dossier, je me dis que je préférerais pas en faire aujourd'hui et de garder la D'accord, quote donc pour en la semaine résumé, pas prochaine. de côte. Pas de quote. Pas de côte. Bon, c'est dur, mais ma foi, c'est pour la bonne cause. Alors non Ça seulement participe au aujourd'hui il n'y a pas suspense. de quote et le dossier écrit, version écrite, ne sera pas publié non plus cette semaine à la suite de l'émission. On attendra la semaine prochaine pour le publier intégralement. D'accord, donc. Ah ouais, non, mais t'es dur là. Ah, je suis T'es vraiment dur. dur. Ah ouais, donc la fameuse vidéo TED, la carte, tout ça, on peut pas les voir. Ouais, il faudra attendre la semaine prochaine. J'ai pas divisé en deux parties écrites, on va dire. J'ai fait qu'un seul dossier écrit. Je vois, je vois. Bon, c'est ton moyen de conserver un auditoire captif. On est obligé de revenir la semaine prochaine. Technique de marketing, ça. Je vois, je vois. Ok, bah pas le choix. Alors on revient la semaine prochaine. Bah ouais, bon, on se retrouve tous la semaine prochaine pour le deuxième volet de ce dossier sur le langage chez l'homme. Ça marche. Bah Allez. d'ici là, une excellente semaine à tous. Allez, bye bye, ciao. À bientôt, ciao.